Oh, c'est un drame. Oh, c'est un drame théâtral. Figurez-vous, oui. Ça s'est passé à l'opéra. Pour Parsifal. Au milieu du troisième acte, il y a le premier ténor qui fait « Comment ça va ?» Et il y a le troisième baryton Martin qui fait « Comme si, comme ça !» Il y a des gars qui payent leur place pour aller écouter des trucs comme ça. Seulement, ça a de la classe. On ne rit pas. Comment ça va? Et le troisième baryton Martin, comme si, comme ça, rien là. Là qu'un soir, ça, le troisième baryton Martin, mais il était un peu enroué. Il dit, demain, je ne sais pas pouvoir, si je vais pouvoir chanter, si je pourrais dire comme si, comme ça. Demain matin, il va voir un laryngologiste. Il dit, ça va pas très bien. J'ai coup essayé d'être soigné pour chanter ce soir, pour dire comme si, comme si, comme ça. Alors, ils lui font des piqûres, des trucs, de la pinacéline. Alors, on prend aux quatre piqûres ici, là. Alors, il prend des gargarismes. Vous allez vous rincer la glotte avec des... Comment ça va? Il reprend des trucs, des machins. Alors, il sort du laryngologiste, alors... Il prévient le chef de l'opéra, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, dans les choristes, j'ai repéré un gars qui est très bien, il a une belle voix. Dites donc, le choriste, venez ici, vous pourriez dire, comme si, comme ça, là, comme le troisième baryton Martin. Comme si, comme ça! Très bien. Ce soir, au début du troisième acte, quand le premier ténor fait, comment ça va? Vous répondrez, comme si, comme ça! Bravo! Et le type, il rentre chez lui tout essoufflé, il réveille tout le quartier. Ce soir, je joue tout seul, sur scène, plus dans les cœurs. Comment ça va, comme si, comme ça. Il va chez le boulanger, bonjour, donnez-moi un pain, demandez-moi comment ça va, comme si, comme ça. Il va acheter un timbre, un paquet de cigarettes, le bureau de tabac, demandez-moi comment ça, comme si, comme ça. Il rentre chez lui, sa femme, comment ça, comme si, comme ça. Et le soir, il est là, il voulait. Comme ça. Le pompier qui vient. Demandez-moi comment ça va. Comme si, comme ça. Si, comme ça. Et plus ça va, plus la traque. 2 minutes. 1 minute. Et le premier ténor. Comment ça va? Le type, il rentre. Mais alors, pris par le trac. Le 10 ans de métier, le premier ténor, il recommence. Comment ça va? Là, qui fait une... Il ne peut pas en bailler une, voyez. Comment ça va? Comment ça va? Et l'autre, prenez, ça bricole.